On va parler de golf avec notre ami, le président du club de golf de Beaumont-Saint-Denis, Raymond Lavoie. Parler un peu de l'année, parce que c'est pas mal terminé, là, les tournois et ainsi de suite. Et comment tu as trouvé sa première année comme dirigeant ou président du club de golf de Beaumont-Saint-Denis? Bonjour Raymond. Bonjour. Ben, la saison achève, tire à sa fin. On est présentement vers la fin. Il reste le tournoi de fermeture qui aura lieu le 1er octobre. OK. Ensuite, les activités proprement dites seront terminées, sauf que le terrain va rester ouvert encore pour un bout. Oui. En ce qui concerne le chalet et la push up, c'est pas déterminé. On va déterminer ça demain soir lors de notre CA. OK. Comment t'as trouvé ta première année? Est-ce que t'as trouvé ça dur? Est-ce que t'as trouvé ça quand même à peu près comme tu t'attendais? Parce que c'est quand même du stock, parce que j'ai travaillé pour vous autres aussi. J'ai un mandat avec vous autres depuis plusieurs années. T'étais là au bureau quasiment tous les jours. Est-ce que t'as trouvé ça poignant? C'est sûr que j'ai pas trouvé ça facile en cette première année comme président. Okay. Par contre, si je regarde en arrière, aujourd'hui, je suis plus en mesure de comprendre le fonctionnement de tout ce qui se passe dans un club de golf. Lorsque je suis arrivé là, je connaissais rien du fonctionnement, ou à peu près pas, c'est que... Mais, on a appris sur le tas et présentement, ça va bien. OK. Est-ce qu'au niveau des visites, est-ce qu'au niveau des visites journalières, est-ce que c'est quand même positif de ce côté-là aussi? Ou, je sais qu'à Chibougamau, c'était affreux, parle d'une perte de 30 000 $. Est-ce que du côté de Beaumont-Saint-Denis, c'est quand même, les recettes sont quand même positives? Présentement, là, je ne peux pas rien dévoiler, sauf que ce que je peux dire, c'est que nous sommes dans le budget présentement et ça va bien de ce côté-là. On ne devrait pas faire un gros surplus. Par contre, ça va bien. On a un budget très équilibré et à venir jusqu'à date, tout le monde a respecté les budgets qu'on leur avait donnés dans chaque département et ça va quand même bien. OK. Du côté maintenant des parties journalistes, ça aussi, c'est ça qui est quand même le plus payant. Là. Est-ce que c'est ça, tu sais pas non plus si c'est une hausse, une baisse ou ça ressemble pas mal? C'est sûr que dû au fait qu'on a commencé deux semaines plus tard nos activités, et au nombre de jours perdus, je pense qu'on a une dizaine de journées de perdus à cause du mauvais temps. C'est tout les permis journaliers sont à la baisse un peu cette année. Je pense pas qu'on arrive au même résultat que l'an passé. Même si l'an passé, l'été était très mauvais aussi, les résultats étaient quand même pas pires. Mais cette année, c'est sûr qu'on est en bas de nos prévisions là-dessus. OK. Du côté maintenant des performances, est-ce qu'il y a quand même eu des points positifs à parler un petit peu cette année du côté des golfeurs? Y a-t-il des golfeurs qui se sont démarqués dans votre région ou encore à votre club? Écoute, ça ressemblait pas mal à l'année de vos conseils. Lorsqu'on regarde le championnat du club cette année, ben, c'est encore une fois M. Martin Lemieux qui a remporté le championnat du club devant Yves Guy en deuxième position. Point de vue de sa performance, ça ressemble pas mal aux autres années en ce qui a trait aux joueurs. Maintenant, je peux pas vous dire, là, j'ai pas tout en mémoire, là, ce qui s'est mon niveau de ça. Mais, point de vue performance, c'est comme l'année passée. C'est pas mal comme l'année passée. Les joueurs avaient le beau. On a de très bons joueurs de golf. Et les performances sont assez bonnes. OK. Parlons maintenant de qu'est-ce qui s'en vient. Est-ce que au club, est-ce que le club, on a des projets sur la table à dessin pour le conseil d'administration? Présentement, au club, il n'y a aucun projet d'agrandissement ou de quoi que ce soit, ou de modification. OK. Là-dessus, on n'a rien de prévu, puis je ne pense pas qu'il se passe rien de ce côté-là avant quelques années. OK. Présentement, nos installations, notre machinerie sont à point, puis il n'y aura pas de charnage. OK. Ben, Raymond, un gros, gros merci. On va se reparler sûrement au courant de l'hiver, parce que c'est l'Assemblée générale au mois de décembre. Puis généralement, on parle toujours avec le président là-dessus. Comme si l'année, puis on s'envoie bientôt. Ben voilà, le président du club de golf de Dolboom, c'est Raymond Lapointe.